بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans le livre فضل رب البرية بشرح درر البهية. L'imam Shawkani, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre, toujours dans le grand chapitre qui est le livre de la prière. Et nous avons fini le sous-chapitre qui est la prière du voyageur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau chapitre qui est Babu Salat al-Kusufayn, chapitre La prière des deux éclipses Kusufayn. Donc, lorsque il y a éclipse solaire ou lunaire, il y a une prière qui doit être effectuée, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Il y a salat al-kusuf, comme aussi d'autres savants disent salat al-kusuf, kusuf avec kha. Donc l'auteur du livre, que l'imam Shawkani rahimahullah, dit Babu Salat al-Kusufay, chapitre La prière des deux éclipses. Yani, c'est-à-dire Bis Salat al-Kusufay. La prière des deux éclipses veut dire Salat al-Kusufi wal-Kusufi. C'est la prière de Khusuf et Kusuf. D'autres mettent une légère différence. Khusuf, c'est le Qamar, lorsque la lune, il y a éclipse lunaire, ils appellent cela Khusuf. Khusuf. Maintenant, lorsqu'il y a éclipse solaire, ils appellent cela Kusuf avec Kaf. L'autre, c'est avec Kha. Mais d'autres renversent, d'autres disent Khusuf al-Shams, l'éclipse solaire, en utilisant Khusuf avec Kha. Et pour la lune, ils utilisent Kaf, Khusuf. À la Kulihal, Fala farqa baynahuma, il n'y a pas de différence entre les deux. Voyez, qu'on dise Kusuf ou bien Khusuf Nafsu Shay, c'est la même chose. Tayyib. Wal Kusuf, le Kusuf c'est In Hijab Shamsi, la dissimulation du soleil. Awil Qamar, ou bien de la lune, Bisababin Ghayri Mu'tad, par une cause qui n'est pas courante, qui n'est pas habituelle. Ça va? Donc s'il arrive que le soleil se dissimule, ou bien la lune, c'est ce qu'on appelle Al-Kusuf. Kama zakarna, comme nous avons mentionné, Fal-Kusufu wal-Kusufu bimanan wahid, c'est le même sens. Wa in shi'ta, si tu veux, tu dis Salatul Khusuf pour les deux. Si tu veux aussi, tu dis Salatul Al-Kusuf pour les deux. Nafsu Shay. Il n'y a pas de différence entre les deux. Toyib. Wa huma, ces deux-là, l'éclipse solaire ou lunaire, Takhwifum min Allah, c'est une intimidation d'Allah, les ibadis, ou ses serviteurs. Allah les fait peur. Comme a dit le hadith, comme c'est venu dans le hadith, wa sayati. Et ce hadith viendra, inshallah. Wa ma dalilu. Quant à la preuve, mashru'iyyati salati al-khusuf. La preuve qui montre que la prière du Khusuf est une prière légiférée. Quelle est cette prière? C'est lorsqu'il y a éclipse solaire ou lunaire. Alors, il y a une prière qu'on doit faire pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, afin que Allah lève ce tahwif. Donc, la preuve qui montre que cette prière est légiférée, c'est le hadith qui vient dans les deux authentiques. Et c'est le hadith de Abi Mas'ud al-Ansari. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna shamsa wal qamar. Le soleil et la lune. La yankasifani li mauti ahad. Il ne s'éclipse pas pour la mort de quelqu'un. Toyib, comme d'autres le disent, s'il y a éclipse solaire ou lunaire, ils disent que Mourbadol et Salah, il y a une grande personnalité qui est décédée. Toyib, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre que cette parole n'est pas vraie. La yankasifani li mauti ahad. Il ne s'éclipse pas pour la mort de quelqu'un. Il dit fa idha ra'aytumuhu, si vous ra'aytumuhuma, si vous les voyez, fa sallu, priez, wad'u et invoquez, hatta yakshifa ma bikum, jusqu'à ce que Allah enlève cela. Tayyib, priez. Ici il a dit fa فصلوا voilà la preuve. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. C'est venu de façon authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أنه صلى عندما خسفت الشمس يا أهلي. Qu'il a prié lorsqu'il a eu éclipse solaire à son époque. Ce hadith vient dans Sahih al-Bukhari et Muslim et c'est le hadith de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Dans l'imam Ibn Qudama, dans son livre Al-Mughni, il dit Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse, sabitatun, est authentique, bi sunnati rasulillah, par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala ma sanaskuruhu, se basant sur ce que nous allons mentionner. Wala na'alam, et on ne connaît pas baina ahli al-ilm, entre les gens des sciences, fi mashuriyatiha li kusuf ash-shams khilaf, pour l'éclipse du soleil nous ne connaissons pas le caractère légiféré de faire la prière, nous ne connaissons pas de divergence. C'est ce que veut dire l'imam Ibn Qudama. Wa aktharu ahli al-ilm, la majorité des gens des sciences, ala annaha mashru'atun li khusuf al-qamar, c'est aussi légiféré pour l'éclipse lunaire. Pourquoi les savants n'ont pas divergé pour l'éclipse solaire que c'est légiféré? Parce que c'est ce qui a été amal au rasoul, la parole du prophète, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le soleil, il y a eu éclipse solaire à son époque, mais il n'y a pas eu éclipse lunaire. Mais le hadith que nous avons vu plus haut, qui vient dans les deux authentiques, le hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari, montre clairement que c'est légiféré de faire la prière pour les deux. Ça va? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith La yan kasifani, les deux ne s'éclipsent pas, les mauti ahad. Fa idha ra'aytumuhuma, si vous les voyez éclipsés, fa sallu, priez. Toyib. Non. Donc, Qultu. Le Cheikh Ali Rambi dit, je dis, wa sunnatu sabatat bi kusufi shams wal qamar. La sunna est venue montrer que le soleil et la lune s'éclipsent et c'est permis de faire la prière pour les deux. Donc, fala ibrata bi mukhalafati man khalafa ba'da dhalik. On ne considère pas la contradiction de celui qui vient contredire ces textes-là. Toyeb, qala al-mu'allif rahimahullah. L'imam Shawkani dit, salat al-kusuf hiya sunnah. C'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. Qala an-Nawawi rahimahullah. L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, salatul kusufi wal kusufi shamsi wal qamar. La prière de l'éclipse solaire et lunaire, sunnatun mu'akkada bil ijma. C'est une sunna incontestable et insistée par le consensus des savants. Alors le Cheikh Ali Rami dit, je dis, wal amrul warid fil hadith bis salat, l'ordre qui est venu dans le hadith de prier la prière de Kusuf, masrufun anil wujub, l'enlève dans l'obligation bi hadith il arabi bil jima, à partir du hadith du bédouin. Car dans le hadith, il y a un ordre. Il a dit, فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمَا فَصَلُّوا. C'est un ordre ou pas? الْأَمْرُ يَقْتَدِي بِالْوُجُوبِ. L'ordre implique l'obligation. Maintenant, si nous n'avons pas d'autres preuves qui nous montrent que ce n'est pas obligatoire, alors nous nous basons pour dire que c'est une obligation. N'est-ce pas? Mais le hadith du Bédouin vient enlever cela dans l'obligation. Quel est le hadith du Bédouin? Non? Après les cinq prières, est-ce qu'il y a d'autres choses qui lui sont obligatoires? C'est ça qu'on appelle le hadith ou l'arabi. Ça va? Le hadith du Bédouin. Parce que s'il y avait d'autres choses qui étaient obligatoires, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait clarifier. Il allait dire que c'est obligatoire de faire cela quelque sauf. N'est-ce pas? Voilà qu'il a dit là, après les cinq prières, non, il a un tatatawa. Sauf si tu as fait des prières surrogatoires. Ça va? Donc, à cause des hadiths de Arabie, nous savons que la prière de l'éclipse du soleil et de la lune ne sont pas une obligation. L'imam Shawkani, il dit ensuite, وَأَصَحُ مَا وَرَدَ فِي صِفَتِهَا. Le plus authentique qui a été mentionné, qui a été rapporté dans la manière de faire cette prière-là, صِفَتِهَا, yani la description de cette prière, c'est raka'atan, c'est deux raka'at. فِي كُلِّ raka'atin, dans chaque raka'at, il a deux recours. Ça va? وَوَرَدَ, mais c'est venu, سَلَاسَةٌ, trois recours. Wa arba'atun, 4 ruku', wa khamsatun, 5 ruku'. Walakin as-sah ma warada fi dhalika, le plus authentique c'est 2 ruku'. Tayyib, et nous allons vous montrer cela. Lima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. À cause de ce qu'a rapporté l'imam Bukhari et Muslim du hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha. Le hadith de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée. Qalat, elle dit, khasafati shams fi ahdi rasulillah. Le soleil s'est éclipsé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fasalla wa qama an-nas wara'ahu. Il a prié et les gens se sont arrêtés derrière lui. Faqama qiyaman tawila. Il s'est arrêté d'un arrêt très long. Summa raka ruku'an tawila. Ensuite, il a fait un ruku qui est très long. Summa rafa. Ensuite, il s'est levé. Faqama qiyaman tawila. Il s'est arrêté d'un arrêt très long. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal. Mais cet arrêt, deuxième arrêt, était moins long que le premier. ثم ركع ensuite la faire ركوع فأطال الركوع وهو دون ركوع الأول mais le deuxième ركوع était moins long que le premier ثم سجد ensuite la fait سجود فأطال السجود la durée dans le سجود ثم فعل في ركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى il a fait pareil dans la deuxième rakat comme il a fait dans la première rakat summa sarafa et il a lancé le salam et il a fini la prière طيب. Donc ici voilà as-sah ce qui est le plus authentique les différentes manières de le faire sinon le reste fi kalam il y a beaucoup de paroles beaucoup sont da'if. La meilleure manière de le faire et le plus authentique, c'est cette manière de le faire. La personne s'arrête. Qui va s'arrêter? Je vais vous montrer un exemple. Fayyid, tu t'arrêtes? Non. Lorsqu'il s'arrête pour la première raka, il n'y a pas de azan ni d'iqam. Ça, c'est la première des choses. Pour Salat al-Kusuf, il n'y a pas de azan ni d'iqam. Fayyid. Appeler à la salat al-Khusuf, on ne fait pas des azan, mais comme on appelle les gens, le muezzin, il prend le micro, il dit As-salat al-jami'a. Il appelle à cela plusieurs fois. Ça va? Tayyib. Maintenant, après, si les gens viennent, intaha. Commence la prière. Ça va? Maintenant, lorsqu'il commence la prière, dans la première raka, il récite la Fatiha, il prend une sourate qui est très longue. Ça va? Une sourate qui est très longue. Il peut prendre sourate Baqara, sourate Imran, ça va? Sourate Nisa. Mais il doit prendre une sourate qui est très longue. Et quand il finit, il va en recours. Alors, va en recours. Ce recours doit être long. Ça va? Et lorsqu'il quitte en recours, il récite encore la Fatiha, il prend le surat, qui est moins long que le premier. Ça va? Et il va encore en recours. Ça fait combien de recours? Deux recours. Il se relève du recours. Là, il ne récite plus, il descend maintenant. Maintenant, le reste, il fait deux soujouds comme les autres prières d'habitude. Ça va? Et s'il se relève, il fait la même chose. Non. Ici, il prie normalement. Alors, et relève-toi encore. Tu fais la même chose. Tayyib. Voilà. Donc, il se relève, il récite encore, il descend, ainsi de suite. Il fait la même chose comme la première raka. Hein? Si. Pour chaque raka, il fait deux. C'est ce que j'ai dit. Faut t'asseoir. Marakallahu fik. C'est compris? Hein? C'est très simple. Tu t'arrêtes, tu récites Fatiha avec une sourate longue, tu vas en recours, il faut être un peu long dans le recours, tu reviens encore à la station debout, tu récites Fatiha avec une autre sourate, tu vas encore en recours, si tu quittes en recours, tu t'élèves encore, tu descends maintenant, tu vas en sujoud. Ça va? Maintenant, arrivant en sujoud, tu fais sujoud, il faut être long aussi dans le sujoud. Après, tu t'assois. Sajda, Gilsa, Baina Sajda Tain. Après, tu vas encore. Sujoud. Après, tu te relèves maintenant. Tu fais pareil comme dans la première raka. Toyin. C'est bien compris? Il y a des questions? Non? Là, c'est la même chose. Tu as dit Allah, tu ne récites pas le Coran en rukou, mais tu immensifies Allah comme Subhanahu Rabbi al-Azim, les invocations du rukou. Ça va? Non. Donc ici, وَسَبَتَتْ هَذِي sifa, cette manière de le faire est authentifiée en Ibn Amr ou Ibn Abbas, Ibn Amr et Ibn Abbas dans les deux authentiques. Dans les deux authentiques. وَغَيْرِهِمَا et autres. Donc, هَذِي sifa الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا, voici la description qui est unanimement reconnue, authentique, des savants. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخسوف إلا مرة واحدة. Il n'a prié la prière de l'éclipse qu'une seule fois. C'est ce qu'on a dit, et c'est l'éclipse lunaire ou bien solaire. Solaire. فعلى هذا تكون الصفات الأخرى. Donc, si on se base sur cela, cette seule, il y a une fois qu'il a fait la prière de Khusuf, voici comment il a fait. Donc, si on se base sur cette riwaya, on sait que c'est une seule fois qu'il a fait et de cette manière qu'il a fait. Donc, on vient maintenant, on voit les autres sifat, allati fiha akthar min ruku'ayn, dans lesquelles il y a plus de deux ruku'. Soit c'est des riwayas qui sont shaza, c'est-à-dire qui sont isolés, ou munkara, ou bien qui sont munkar, qui sont taif, qui sont même pas authentiques. Ça va? Tous les autres riwayas. Taïf, barakallahu fik. Wa in akhraja ba'duha muslim, même si muslim a rapporté certains d'entre eux, فَيَا مُنْتَقَدَ, ce sont les riwayas qui sont reprochées. Ça va? Ce sont les riwayas qui sont reprochées. Mais, même si l'imam muslim a rapporté, mais la réalité c'est que c'est la seule riwaya qui vient avec cette sifa, cette manière de le faire qu'on a dit qui est authentique. طيب قال المصنف رحمه الله, tu peux partir. قال المصنف رحمه الله يقرأ إلي بين كل ركوعين entre chaque ركوع إلي entre chaque ركوع comme on vient de le voir. القراءة ثابتة في أحاديث صحيحين, lire le Coran entre les deux ركوع, c'est-à-dire dans les deux situations debout, c'est authentique dans les أحاديث qui viennent dans les deux authentiques. Et il lit comment? ويجهر بها, il, c'est-à-dire élève la voix, ça va? وَيُنَادِي, mais il appelle قَبْلَ ذَلِكَ, il appelle les gens à venir à la prière avant cela. Quel est l'appel? Il dit quoi? الصَّلَاةُ جَامِعَ, الصَّلَاةُ جَامِعَ, il n'y a pas un nombre limité, ça va? Il peut le dire autant de fois jusqu'à ce que les gens viennent. Et il s'arrête. Il prend le micro et il crie As-salatul jamia. Ou bien, s'il n'y a pas de micro, il s'arrête à la saqf en haut et il crie As-salatul jamia, As-salatul jamia, As-salatul jamia, afin que les gens puissent venir. Ça va? Si les gens viennent, il arrête. Il n'y a pas de nombre défini. Toyib, Naam. Mais, que ce soit Khusuf, Khusuf, à la ta'birukum, dans vos expressions, que ce soit l'éclipse solaire ou lunaire, il élève la voix dans la lecture. Toyib, Naam. Ja al-kira'atu fi sahihayni, la lecture est venue dans les deux authentiques du hadith de Aïcha qui dit Saffa an-nas wara'a, les gens ont fait des rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fakabbara, il a fait le takbir, faqara'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qira'atan tawilatan, il a lu une lecture longue, summa raka'a, ensuite il allait, summa kabbara, il a fait takbir, faraka'a ruku'an, il a fait ruku' tawilan, un ruku' qui était très long, summa qala sami'allahu liman hamda, Ensuite, la liste de Allah, le Muhammad, il s'est levé, faqama, wa lam yasjud. Il n'a pas fait le sujud, wa qara'a qira'atan tawilatan, hiya adna min al qira'at al oula. Il a lu une lecture qui était longue, mais qui était moins longue que la première lecture. Voyez, il a akhiri. Wa amma al jahru, quant au fait de lever la voix, faja fi hadith Aisha. C'est venu dans le hadith de Aisha, radiallahu ta'ala anha, dans les deux authentiques. Anna qalat, elle a dit, jahara an-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé la voix, fi salat al-khusuf, dans la prière de khusuf, bi qira'atihi, dans la lecture. Ça va? Donc, hada, sahih. Wa warada fi sahih muslim, c'est venu aussi dans sahih muslim, min hadith Abdurrahman bin Samura, qui est Abdurrahman bin Samura. Il a rapporté un hadith où salat al-khusuf était comme la prière de Subh. Il a fait comme la prière de Subh. Il y avait un seul ruku. Wa ankara Urwa ala akhihi fi al-azari. Urwa a déprécié l'action de son frère. Il a dit, pourquoi tu as fait comme ça? Il ne s'est pas tué. Pour dire que son frère aussi, c'était quelqu'un qui était devant les gens. Mais voilà qu'il Ankara Ali. Waqala, il a dit Akhta Sunnah. Son frère a contredit la Sunnah. Kama fi Sahih Bukhari, comme cela se trouve dans Sahih Bukhari. Le hadith est clair, cette prière. Le hadith est Aïcha. N'est-ce pas? Qalu lil Urwa. Ils ont dit à Urwa, Inna akhaka, ton frère, qui est Abdurrahman bin Samura. Yawma khasafat al-shams al-Madina. Lorsque il y a eu éclipse solaire à Médine, lam yazid ala rak'atayn misla subh. Il n'a pas augmenté ses deux rak'a, mais il a prié comme subh. Comme la prière de subh. C'est-à-dire, il n'y avait pas de recours. Qala ajal. Il est ici, il a fait cela. لأنه أخطا السنة parce qu'il a contredit la sunna. طيب il s'est pas tué. ثم بعد ذلك يخطب. Après cette prière maintenant, il se lève et il fait la khutba. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم بهم بعد الصلاة. قال المساجد d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a fait la khutba avec eux après la prière. وذكرهم, il les a rappelés. وحثهم على الدعاء, il les a incités à invoquer Allah, wa sadaqa, et à donner le monde, wa istighfar, et demander le pardon d'Allah, wa salat, et prier, kama fi sahihain, comme cela se trouve dans les deux authentiques. Faqad bawwaba alayha al-imam al-Bukhari baban, et l'imam Bukhari a fait même un chapitre pour montrer cela. Wa qala rahimahullah, l'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, il dit, wa nudiba الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. Il est préférable d'invoquer. Nous dit bas ici, c'est yustahab. Il est préférable d'invoquer, de faire le takbir et de donner le monde et de demander le pardon d'Allah. Aïe, wa yastahibu dhalika. Cela est préférable de qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hadhil ayat, ces signes-là. التي يرسل الله كلا أنفواكي لكلب سولير ولنا لا تكون لموت أحد ولا لحياتي. C'est pas pour la mort de quelqu'un ni la naissance d'une personne. ولكن يقوف الله بها عبادة. Allah intimide, fait peur ses créatures à travers cela. فإذا رأيتم شيئا من ذلك, si vous voyez quelque chose de cela, فافزعوا إلى ذكري. C'est-à-dire, précipitez-vous à mentionner Allah, wa du'a'i, et à invoquer Allah, wa istighfarihi, et demander le pardon d'Allah, wa huwa fi sahihain. Le hadith se trouve dans les deux authentiques. Wa fi riwaya, dans une autre riwaya, il a dit, fafza'u ila salah. Dépêchez-vous à prier, wa huwa fi sahihain, aydon. Et ce hadith se trouve dans les deux authentiques. Dans une autre riwaya, il a dit, fad'u Allah. Invoquez Allah, wa kabbiru, et faites le takbir, wa tasaddaqu wa sallu. Faites le monde et priez. Et cette riwaya aussi se trouve dans les deux authentiques aussi. Wakadalika zikr, c'est de même l'évocation, c'est-à-dire les askar, kama taqaddam, comme cela précédé, wal'itqu. Il a aussi conseillé de libérer les esclaves. Ceux qui peuvent libérer les esclaves en termes de aumône, qu'ils le fassent, kama fi Sahih Bukhari, comme cela se trouve dans Sahih Bukhari. D'ailleurs, l'éclipse solaire ou bien lunaire ne sont en réalité pas des spectacles. Comme tu vois certaines personnes, ils attendent l'éclipse pour aller faire des vidéos, des photos. Ah, c'est beau, c'est joli. Ça, c'est l'insouciance. Rafla. Voyez là, l'éclipse solaire n'est pas venue pour cela. Voyez. Donc, l'éclipse solaire et lunaire, tahwifu min Allah. C'est une intimidation. Allah fait peur à ses créatures. Voyez. C'est comme un signe de la fin des temps. Quand tu vois le soleil s'éclipser, la lune s'éclipser. Khalas. Mais c'est étonnant de voir que dans nos sociétés, l'islam est rentré. Mais les gens n'apprennent pas leur religion. Lorsqu'il y a éclipse solaire, va dans les quartiers, surtout les quartiers djoula. On prend les petites boîtes, on sort dehors, au lieu d'aller prier. On prend les petites boîtes, on sort dehors. Djakmani, Kakalo, Djakmani. On tape poum poum poum poum poum poum poum poum poum. Hein? Vous pensez que Djakmani même peut monter en haut là-bas? C'est quelle croyance ça? Et ensuite, ils tapent, ils tapent, ils tapent et ils disent on doit taper jusqu'à ce que ça se dégage. Là où la rahmatullah, si ce n'était pas la miséricorde d'Allah, vous pensez que les petites boîtes que vous êtes en train de taper là, c'est ça qui va enlever l'éclipse? Allahumma musta'an wa alayhi tuklan. C'est une ignorance, ikhwa. C'est une ignorance. Ensuite, babu salatul istisqa. Le chapitre, la prière de la demande de pluie. Non. Vas-y. Non. Les prières obligatoires, rien ne peut remplacer. On fait d'abord les prières obligatoires. Voyez. Voilà. On ne délaisse pas les prières obligatoires à cause d'une prière. On vient de dire que c'est une sunna. Comment on peut déplacer une obligation ou délaisser une sunna pour, à la place d'une sunna? Si ça tombe sur le moment de prière obligatoire, on fait d'abord la prière obligatoire. Tayyib. Et puis maintenant, on fait salatul kusuf, ou le kusuf. Tayyib. Bab salatul istisqa. Le chapitre, la prière de la demande de pluie. L'auteur du livre, il dit, Imam Shawkani, Bab salatul istisqa. Le chapitre, la prière de demande de pluie. Tayyib. Al-istisqa. Al-istisqa. Dans la langue arabe, ça veut dire Talabu Suqiya. Parce que les trois lettres qui sont avant Saqa, le verbe même c'est Saqa. Mais les trois lettres qui sont avant Saqa, généralement c'est les trois lettres, c'est les lettres de demande. Le Hamza, le Sin et le Ta. Ça va? Istisqa, istisqa. Ça va? Normalement, le afwan, le hamza et puis le sin, généralement, les deux. Comme par exemple, il dit, ghafara, pardonner, istaghfara. La demande, demander le pardon. Hein? Kassa, habiller, istaksa, c'est-à-dire demander et être habillé. Donc, ainsi de suite. Donc, ici, istisqa, ça veut dire la demande de pluie. Talabu suqya. Min Allah Ta'ala, on demande à Allah la pluie, inda qahtil matar, lorsqu'il y a privation de pluie, lorsqu'il y a privation de pluie, c'est-à-dire manque de pluie. Wa dalilu mashru'iyatiha, la preuve qui montre que c'est légiféré, fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, كما سيأتي في الحديث كم سلا فيندرا دان الحديث قال المؤلف لتالي ليف لمام شوكاني دي ويسن c'est une sunna عند الجدب الجدب c'est privation d'eau lorsqu'il y a manque d'eau manque de pluie de prier rak'atani deux rak'at ba'dahuma après les deux rak'at khutbatun il y a une khutba tatadammanu qui implique al-zikr le rappel wa targhib le fait de faire peur le fait de faire désirer fi ta'ah dans l'obéissance wa zajr et le fait de chasser anil ma'siyah de la désobéissance wa yastakthir al-imam et l'imam augmente wa man ma'ahu avec ceux qui sont avec lui min al-istighfar la demande de pardon wa du'a et invoquer Allah li raf'il jadbi pour que Allah lève le manque d'humidité ou bien de pluie. Voyez, parce que là, de façon spécifique, sur l'istisqa, on demande à Allah, on fait deux rakas, et ces deux rakas sont les deux rakas normaux. Il n'y a pas une manière comme l'autre. On fait deux rakas de façon normale, ça va, comme les deux rakas qu'on fait. Mais cela va venir ici, certains savants disent qu'il faut le faire comme salat al-Eid. Où on fait les takbirat, mais on va revenir sur cela, car ces takbirat-là ne sont pas authentiques. Ça va? Mais la manière de le faire, c'est comme les deux rakat d'habituel que les gens font. Mais après, l'imam fait une khutba et il invoque Allah. Il demande aux musulmans de faire l'istighfar, ainsi de suite. Voyez? Salat al-istiqa sunna. La prière d'istiqa, c'est une sunna. Li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'alaha. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, comme cela vient dans Al-Bukhari Muslim du hadith de Anas ibn Malik. Il y a certains hadiths qui viennent de plusieurs parmi les compagnons. Toyib. Wala yujad ma yadullu ala al-wujub. Il n'y a rien qui montre que c'est obligatoire. وتسن عند الجدب c'est légiférer تسن veut dire légiférer ou bien recommander lorsqu'il y a privation d'humidité ou bien de pluie عند انقطاع المطر c'est la même chose ويبسو الارض et que lorsque la terre sèche ça va وهي ركعتان c'est deux rakat لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cette prière de rak'a. Toyib. Yajharu fihima. Il récite à haute voix dans les deux rak'a. Ça va? Et cela est venu dans Sahih al-Bukhari et Muslim des hadiths d'Abdullah ibn Zayd al-Madini. Wala yukabbir fihima. Il ne fait pas le takbir dans les deux. Katakbir al-Eid comme le takbir de la prière d'Eid. Ça va? Kama qala al-Imam Malik. Comme l'Imam Malik l'a dit, fa hadith ibn Abbas alladhi fihi takbir da'if. Le hadith ibn Abbas dans lequel il a le takbir, c'est un hadith qui est da'if. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains savants disent qu'il faut faire takbir comme takbir al-Eid. Au début de la prière, tu fais 7 fois takbir. La deuxième rakat, tu fais 5 fois. ولكن le hadith est daif. Dans le hadith, il y a Hisham ibn Ishaq, qui est quoi? Qui est majhoul, n'est pas connu. Quand on fouille dans les rouates, on ne le voit pas. On ne sait pas de qui. Et chez nous, la base, quand on ne connaît pas une personne, est-ce qu'on prend la science de lui? Est-ce qu'on prend le hadith de lui? C'est tout cela qui montre que fait Dawawin l'islam, dans les sources de l'islam, il y a cela. Mais les innovateurs veulent nous dire que si on ne le connaît pas, on n'a qu'à s'asseoir, on n'a qu'à prendre le haq, on n'a qu'à laisser le faux. Khouzil haq wa truk al batil. S'il a dit la vérité, on prend. Et puis il y a Sadil Loun, il prend un verset dans le Coran, il dit « Alladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana » هذا الذي يعرف الحق. نعم. Celui qui connaît la vérité. Mais un malade, hein, quelqu'un qui est malade, qui vient chercher remède, il est ignorant, il vient chercher remède. Et puis, on lui dit, va chez n'importe quel médecin, s'il dépose des médicaments, il faut regarder ce qui est bon pour toi. Et puis, il faut prendre. Ils vont l'envoyer au CHU. Ou bien. Alors, Moustahan. Si ça va prendre un médicament, au lieu de prendre un médicament de maux de tête, si ça va prendre un médicament là-bas qui le tue. Alors, Moustahan. Mais si c'est la médecine, si c'est les choses de la vie, ils sont unanimes sur ça. Mais si c'est le dîme, ils disent. Va à l'abattoir. Ça va? Va à l'abattoir, ils vont t'égorger. C'est tout. Si c'est le dîne, chacun dit ce qu'il veut, quoi. Hein? C'est comme le poète arabe dit, il dit, fa'alqaou filiyam. Il le jette dans la mer. Et il lui dit, yaka. C'est-à-dire, soudain, il a attaché ses deux pieds, ses deux mains. Et puis, il le jette dans la mer. Et puis il dit, fais attention, hein, faut pas te mouiller. Auzubillah. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, khutba ba'da rak'atayn. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait la khutba après les deux rak'at. Khutbatan ja'a dhalika fi hadith Abi Hurayra. Cela est venu dans le hadith d'Abu Hurayra. Qala, il a dit, kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma yastasqi bina. Le jour, il a demandé la pluie pour nous, façon la bina rakatayn. Il a prié deux rakats avec nous, bila azan wa la iqama. Sans azan ni iqama, summa khatabana. Ensuite, il a fait la khutbah, après la prière, wada Allah astawajad. Il a levé la main et il a invoqué Allah. Tayyib, il a levé la main et il a invoqué Allah. Et là-bas, c'est autorisé de lever la main. Pour ceux aussi qui sont ce jour-là avec l'imam. Tayyib. Mais d'autres apportent certaines preuves pour dire que ce n'est pas autorisé. Mais c'est autorisé. Tayyib. Wa hawwala wajhahu. Et ensuite, quand il a fini la khutba, il a tourné son visage nahwa al-qibla. Vers la qibla, rafi an yaday. En levant ses deux mains. Summa qallaba rida'ahu. Ja'ila al-ayman ala al-aysar. Wal-Aysar al-Ayman. Il a retourné sa rida. Voyez, il a mis le côté gauche à droite, le côté droit à gauche. Je vais vous expliquer. Le rida, c'est quoi? C'est pas le qamis. Et la question était posée à Cheikh Othaymin. Est-ce qu'on peut renverser le qamis pour la prière de Istisqa? Le Cheikh Othaymin dit là, car ce n'est pas comme le rida. Le rida, c'est l'habit qu'on met au-dessus du qamis. Généralement, les Saoudiens, ils portent beaucoup ça. C'est ce qu'on appelle le rida. Ça va? Le rida, tu peux l'enlever parce qu'il y a une fente. Il enlève comment? Je vous montre cela. C'est-à-dire, il enlève comme ça. Non, ça va. Il enlève comme ça. Et puis ensuite, il tourne. Et puis il reporte, ou alors centre l'avocat, en envers. Il reporte en envers. Ça va? Maintenant, Cheikh Othaymin a dit que lorsqu'il s'agit par exemple des chemises qui ont les fentes telles que la chemise que Abu Abdurrahman a portée, on peut enlever le col et puis renverser. S'il avait porté quelque chose en bas, on allait vous montrer un exemple. Mais, qu'Allah facilite. Hein? Il renverse seulement, c'est-à-dire il enlève le bouton et puis il enlève et puis il renverse, il porte à l'envers. Ça va? Ça va trouver que le côté droit est parti à gauche et le côté gauche est parti à droite. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. Voyez. Voyez, khutbatun wahida. C'est une seule khutbah. Warada ahadith tadullu ala annahu yabdaw bid-du'a. Des ahadiths sont venus montrer qu'il doit commencer par l'invocation. Wal khutbah qabla salat. Et la khutba, c'est après la prière. Wal aksu, et le contraire. Wal amru fi zalika wasi. C'est wasi. C'est-à-dire, il peut commencer la khutba, voyez, avant la prière, comme il peut faire la prière et puis faire la khutba. Amour fizali kawasi. Wakana yarfo yaderi fi dua l'istisqa. Il levait la main dans l'invocation de istisqa, de la demande de pluie. Wakadalika yafalu nas khalfa. C'est le même, les gens font derrière lui. Il levait la main aussi. Wada wa sahih. Wama targhibu bi ta'a wa zajr. Quand tu as fait désirer l'obéissance et chasser des désobéissances, fallait anna tarka ta'at, car le délaissement des désobéissances, wa kasratul ma'asi, et les nombreux péchés, y a sababul jad. C'est la cause de la privation de la pluie. Voilà pourquoi il incite les gens à obéir à Allah. Il incite les gens à délaisser les péchés. Voyez. قال الله تبارك وتعالى الا لتروي دي pour illustrer cela en termes de preuve الله dit ولو ان اهل القرى si les gens des villes امنوا ils avaient cru واتقوا et ils avaient craint Allah لفتحنا عليهم بركات من السماء nous allons ouvrir pour eux les bénédictions des cieux والارض et de la terre ولكن ما كذبوا ils ont traité de mensonge, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ et nous les avons saisis pour ce qu'ils faisaient comme action. Le istighfar, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact positif. Et ce n'est même pas cela concernant la privation de la pluie. Celui qui multiplie le istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite beaucoup de choses. Telles que dans la richesse des biens de la dunya, dans la facilité des affaires, de tout ce qu'il fait, lorsqu'il multiplie le istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala le facilite beaucoup. Même celui qui cherche des enfants et tout ça. Pourquoi? Parce que dans surat An-Nur, Allah dit وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Nous a demandé à son peuple de demander le pardon d'Allah, car Allah est le pardonneur. Mais il ne se limite pas à ça. Il dit يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il fait descendre la pluie sur vous après avoir demandé pardon. وَيُمْدِدُكُمْ et il vous renforce des amwal par des biens وَبَنِينَ et des enfants. Vous voyez maintenant ici l'importance du istighfar. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le istighfar dans les riwayat, dans certaines versions 70 fois par jour, dans d'autres versions 100 fois, dans d'autres versions plus de 100 fois. Et parmi les askars du matin et puis du soir, le musulman, lorsqu'il finit la prière des Fajr, fait l'effort de faire le istighfar au moins 100 fois. Au moins 100 fois. Dans la journée, tu multiplies cela. Allah te pardonne tes péchés. Car ce sont les péchés qui bloquent beaucoup de choses. Ça va? Allah te pardonne tes péchés et Allah te facilite les choses. Qu'Allah nous facilite les choses. Non. Oui. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retourné son habit, nous avons donné beaucoup d'explications à cela. D'autres ont dit que il a retourné son habit parce que lorsque l'être humain les péchés souvent tache l'aspect extérieur, les vêtements et tout. Donc lorsqu'il demande la pluie, il retourne cela. Il y a beaucoup d'explications, mais il n'y a aucune explication qui est basée en réalité sur des preuves solides. Ça va? Hatta Cheikh Othaymine, il a donné beaucoup d'explications. Ça va? Mais le fait de renverser, c'est une sunna. Pour l'imam, pas pour ceux qui prient derrière l'imam. C'est compris? Comme ici, le mu'allif, l'auteur du livre, dit wa ta'mimu, ici, le fait de dire wa yuhawwiluna jami'an ardiyatihim. Ils renversent aussi leur ida et tous. Mais, ta'mim al-hukum khata. Le fait de dire que tout le monde doit renverser son rida. Je vous ai expliqué le rida, c'est quoi? C'est pas le boubou. C'est ce qu'on met au-dessus du boubou. C'est que les Saoudiens, ils portent. C'est ce qu'on appelle le rida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait aussi le rida. Donc lorsqu'il voulait faire l'invocation de la demande de pluie, il enlevait le rida et il renversait. Ça va? Et il portait à l'envers. Et ensuite, maintenant, il invoquait Allah. C'est une sunna de le faire. Khalas. Vous comprenez? Fasabit, ce qui est authentique, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a renversé son rida. Walam yarid fi hadith sahih. C'est pas venu dans un hadith authentique. Anna nas, que les gens, hawalu ardiyati. Ils ont renversé leur rida. Fanatasru ala ma warada. On se limite à ce qui a été rapporté. Wal hadith warida fi tahwil nas. Mais le hadith qui est venu montrer que les gens aussi renversaient pour eux. Alors, Inda Ahmad, qui vient dans le Musnad de l'imam Ahmad, c'est un hadith qui est isolé. Chaz. C'est compris? Wa amma waqtuha. Quant au temps, il y a d'autres qui disent la prière de demande de pluie, c'est le même moment que la prière, le moment que la prière des deux fêtes. Ça va? On fait ça dans le moment de Doha. C'est-à-dire à 9h, à 10h ou bien à 8h. Voyez. Mais ce qui est authentique, fafi ayi waqt, c'est à n'importe quel moment, on peut le faire. Ma'ada, en dehors des moments où la prière est détestable. Quels sont ces moments? Lorsque le soleil s'élève, lorsqu'il est au milieu, lorsqu'il se couche et lorsqu'il jaunit. Ça va? Tel que le moment, bada'as, après la prière d'as, c'est un moment, c'est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de nawafil. Après, sauf s'il manquait la nafila, c'est-à-dire la nafila de Zuhur. Il manquait souvent, il rattrapait en ce moment. Excuse-moi, je termine la partie. Falam yati ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ayyana laha waqtan mu'ayyanan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas venu qu'il a spécifié un moment pour la prière de demande de pluie. Voyez, je fais le récapitulatif. Ici, ta prière de demande de pluie, c'est une prière de 2 rakas. On fait comme les 2 rakas que nous faisons normalement. Mais on lève la voix dans la récitation de la prière. Et lorsqu'on finit maintenant, l'imam il s'arrête, il fait une légère khutba. Il dit aux gens, c'est à cause de nos péchés que Allah nous a privés de la pluie. Ainsi de suite. Donc, faites le istighfar, faites ceci, faites cela, et obéissez à Allah. Ça va? Car inna Allah la yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que le peuple lui-même change son état. Ça va? Donc, c'est clair. Il les incite à cela, et après maintenant, il s'arrête, il fait face à la Qibla, il invoque Allah, ceux qui sont derrière lui, il lève la main. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, jazakumullah khair. Donc ici nous avons fini ce chapitre de la prière. Le prochain chapitre dans lequel nous allons rentrer, c'est le grand chapitre de Al-Janaiz, les funérailles. Ça va? Et c'est dans ce chapitre que nous allons voir comment laver le mort, comment l'ensevelir, comment. Lorsqu'on va l'enterrer, comment, et lorsqu'on perd quelqu'un, comment on doit réagir, tout cela a été dit par l'islam. Et le musulman doit connaître cela. Voyez, parce que notre religion, comme j'ai l'habitude de le dire, est une religion de science, basée sur la science. Voyez, qu'Allah nous accorde la compréhension. Non. Oui. Il y a Mokhtar qui avait posé la question. Mokhtar. Oui. Non, lever du soleil, c'est ce que je voulais dire. Au lever du soleil, si le soleil s'est déjà levé, ça c'est le shuruq, c'est-à-dire c'est déjà levé, qadra rumhin, c'est-à-dire lorsque le soleil se lève, tu attends 15 minutes comme ça. Et puis la prière s'est permis de le faire. Ça va? Non. Lever la main, c'est lever la main. Il lève la main comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait souvent, il levait la main jusqu'à ce qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Donc tu lèves la main. Ça va? Il y a d'autres? Ils vont comme ça. Comme ça. Non, lever la main, c'est. Tu es en train de demander à Allah. Tu lèves la main. Tu n'es pas obligé de couler les deux mains. Tu lèves la main comme ça. Tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quelqu'un qui est pauvre, il est en train de demander. Quelle la facilité. Non. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela de cette manière. Ça va? Non. Oui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. Lorsque le monsieur est venu, il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a eu vraiment, on n'a pas eu la pluie, tout ça. C'était un vendredi. Il est resté en khutbah. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. La pluie est descendue jusqu'au vendredi prochain. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la pluie est vraiment descendue. Et il y a beaucoup de choses. Parce que quand la pluie descend trop, il n'y a pas les inondations là, il n'y a pas de remède pour ça quoi. Hein? Tu vois certaines personnes écrivent, il y a une inondation ici, non pourquoi. Il n'y a pas de pluie. Partout dans le monde, si Allah dit inondation, quelles que soient les canalisations que vous allez mettre, c'est zéro. Voyez. Donc, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de cesser la pluie. Et Allah a cessé la pluie. Le professeur a celle-là. Ça va? Mais il dit pas cesse. Mais il y a des alphases, il y a des expressions qu'il faut utiliser. Tu t'adresses à qui? Tu vas pas aller donner ordre à Allah. Cesse la pluie. Ça va? On s'arrête ici. Il est déjà là. Wa sallallahu. Non? Si nous sommes dans un endroit où bon, cette sunna n'est pas connue, est-ce qu'on peut se rassembler pour faire cette prière ou faire ça seul? Une mosquée, s'il y a un imam, par exemple, nous on est ici, s'il y a des mois de pluie, on peut le faire. Laïchkal. Ça va? Laïchkal. S'il y a des mois de pluie, on peut le faire. Mais si on est dans un pays sous un état islamique, il y a l'autorité islamique, les mosquées sont derrière, comme tel qu'en Arabie Saoudite, il y a un ministre des Affaires religieuses qui dirige toutes les mosquées. Non, toi tu ne peux pas t'élever pour dire tu vas faire l'istisqa. Sinon l'autorité va t'appeler pour te dire pourquoi tu fais sans les autres. Ou bien. Donc, mais si c'est dans notre pays, chacun a sa mosquée. C'est moi, j'ai mis mon agent dedans. Donc, ce que je vais faire là, toi, tu as vu le midi quoi. Hein? Donc, tu peux le faire. Toyib. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.